Bienvenue à vous tous, entrez dans l'univers de ma musique. Un peu de rythme mélodique, un peu de poudre et c'est magique. Vos yeux s'ouvrent sous les rimes, vos cœurs battent sous le rythme. Y'a pas de crime et pas de frime, j'affirme, j'affine mes mots jusqu'aux racines. Faut donner au rap une bonne image, zapper le fric. Arrêtez de louer des Lamborghini juste pour un clip. Soyez naturel, lâchez des pures rimes. Faut que ça soit réel, c'est essentiel. Que les phrases soient vraies, sensées, faut qu'elles soient belles. Faut laisser aller nos pensées, oublier les malheurs du passé. Pas passer par la haine qui finira par dépasser, t'entasser, t'encrasser. On sait que le bonheur fait que passer, que tracer, se casser. C'est comme ça, comme moi seul tu finiras. Délaissé dans ton lit à rêvasser, à ça c'est quelque chose que tu connais, c'est bien connu. J'ai demandé pourquoi la lune, mais elle ne m'a jamais répondu. Sur ma planète, je vivrai dans la solitude. Et si je m'en sors bien, peut-être que je finirai pleinement dans la plénitude. J'avance doucement, mais sûrement, vois ça c'est surman. Des fois un peu trop mélancolique, mais je ne suis pas Superman. J'ai pas de Capman comme Batman, te bouffe comme Pac-Man. Je tire sur le beat comme Hitman, donc tends-moi le mic man. Je pars en couille, moi qu'Evangeli quand elle est conne. Comme la belle au bois dormant, j'ai pas dû croquer dans la bonne pomme, bonhomme. Merci de m'écouter, note ça comme un plat culinaire. Une bonne note où je te botte les fesses. Bienvenue dans mon univers. F-A-C-K-Y. Répète. F-A-C-K-Y. Répète. F-A-C-K-Y. Répète. Répète. Répète. Y'a ça qui rime avec. F-A-C-K-Y. Répète. F-A-C-K-Y. Répète. Répète, répète, répète, comme y'a rien qui rime avec. J'expose, dépose mes proses, mes causes sans doser pose. Moi je pose mes phases, même si j'avoue qu'elles sont moroses. Donc j'impose mon blaze, j'écrase les faux du rap. Il faut qu'on ose, j'propose, qu'on s'éclate et que ça claque. Et comme c'est un art, ça se respecte et ça se vit. Sinon les merdes, L.I.M. avec le temps ça s'ensevit. Y'a aucun mérite à gagner la Star Academy. Des calamités sur nos écrans, ça pue à 10 km. J'ai mal au cœur l'ami, les radios nous cassent les oreilles. Toutes ces musiques commerciales qui ne font bouger que tes orteils. Assis pépère dans mon fauteuil à t'écrire toutes ces phases. Mon univers c'est pas de plaire mais de te mettre en extase. Je veux que tu sentes ces effets dans tes tympans. Je veux faire de ma passion un métier à plein temps. Je veux que cette putain de journée soit la nôtre. On peut tous lever nos verres et à la vôtre. F-A-C-K-Y. Répète. F-A-C-K-Y. Répète. F-A-C-K-Y. Répète. Répète. Répète. Y'a ça qui rime avec. F-A-C-K-Y. Répète. C'est répète, répète, répète, répète, comme y'a rien qui rime avec. Dessert par papa party, j'suis pa pa pa party, j'suis pa pa pa partout. Dans tes tapants je te poursuis, je pa pa pa parcours. Je pa pa parle d'amour, un peu d'humour et de rage. Un peu de larmes sur ta joue, mon univers n'a pas de thème. C'est d'être vrai, c'est d'innover. C'est aussi dur à faire aimer qu'un McDo pour José Bové. Faut pas que le hip-hop finisse comme le Titanic coulé sous l'eau. Ou que les artistes finissent sur la scène saoulés. Tout le monde est concerné, rassemblé, tout le monde autour de ça. Faut qu'on envoie du lourd, qu'on brouille les réseaux de la NASA. Écoute ça, je sème mes graines du rap partout tout autour du flow. Tous les jours un peu plus fort et encore, encore plus haut. Faut que les gens soient chauds, c'est bien ça ce qu'il faut. Mon univers c'est que tu te retrouves dans chacun de mes mots. Je veux vous faire aimer le rap autant qu'un grec. F-A-C-K-Y, faut que ça rentre dans ta tête, alors répète. F-A-C-K-Y. Répète. F-A-C-K-Y. Répète. F-A-C-K-Y. Répète. Répète. Répète. Y'a ça qui rime avec. F-A-C-K-Y. Répète. F-A-C-K-Y. Répète. F-A-C-K-Y. Répète. Répète. Répète. Comme y'a rien qui rime avec. Fa fa fa fa fa qui. Fa fa fa fa fa qui. Fa fa fa fa fa qui. Fa fa fa fa fa qui. Fa fa fa fa fa qui. Fa fa fa fa fa qui. Fa fa fa fa fa qui. Fa fa fa fa fa qui. Fa fa fa fa fa qui. Fa fa fa fa fa qui.